Bonjour, you're listening to Fresh Air Community Radio KFAI 90.3 FM Minneapolis St. Paul and streaming at kfai.org. The program you are listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul, et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com ou sur Facebook or on the, yes, whichever social network you want. We should be able to get the messages. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Freddy. Comment ça va? Très bien, et toi? Ben, ça va, ça va. Adrien, donc ce soir c'est... Tonight is the two of us. Yes, we think of Romain. Yeah. Yeah. And I'm sure he's listening to us, so we won't tell him... We won't say anything bad about him. I bet. I mean, we're gonna wait for him to be back in the studio to say it. So he can defend himself. Exactly. So tonight we have a special program. I mean, we're going to start with a tribute. Yes. To Jean-Paul Belmondo. And then we have still some songs from last week about la rentrée des classes, or school, les écoles in general. Sure. We didn't use all the songs last week. And the songs this week are a little bit more serious. Mm-hmm. About school and things like that. Artists more mature or more like, I mean, on the topic. And then some millennials songs after that. But we'll see how far we go. We'll talk a little bit about the events and about the news. Super cool. Well, maybe we can start with a song of one of the movies that Jean-Paul Belmondo did and then talk a little more about him and his life. Right. So we're going to play the first song we're going to play. Is going to be the one from Ennio Morricone, and it's from a movie called Le Professionnel. And yes, it's a different movie from The Professional with Jean Reno. It was much earlier, more in the 80s, and Belmondo was playing like a spy. Mm-hmm. It was a good movie. Le Vent, Le Cri, or the Wind and the Cry, is the name of the song. And it's part of the Ennio Morricone. So, and after that, we'll read something about Belmondo. Okay. On y va? On y va. Thank you. Et voilà, c'était Ennio Morricone with Le Vent, Le Cri from Le Professional, movie with Jean-Paul Belmondo. Yeah, iconic movie of 1981. Well, Bebel, he was a French cinema icon, Jean-Paul Belmondo, nicknamed Bebel by the French people, and he passed away at 88 in Paris, at home. He was a giant who played 75 movies and 34 plays. He was famous for performing spectacular stunts and in action comedies, and mostly in the 70s and 80s. As a young boy born in 1933, he was more interested in sports than school. He found his place as an actor, his first big role in Breathless in 1960, opened the door for him to shine a few years later in Jean-Luc Godard's movie Pierrot le Fou. He's one of the poster boys of the new wave, Francis James Dean, whose charismatic smile illuminated the screen for half a century. He suffered from a stroke in 2001, which slowed down his career, and received an honor award in Cannes in 2017 after boycotting any César. He will receive a national funeral on Thursday at the Invalid in Paris. That was Bebel. All right, so we're going to listen to another song from one of his movies. It's a song sung by Nicole Croisy, and the name of the song is Qui me dira? Who will tell me? And it's from a movie called Itinéraire d'un enfant gâté in the late 80s. All right, on y va. And we'll come back just after this one to talk more about Bebel and to listen to some of his cult sentences, phrases. Most famous, yeah. All right, on y va. Viendra encore me faire le cirque des amours nostalgiques dans la poussière. Qui viendra encore me faire, j'ai peur, le couteau dans le cœur, dans la lumière. Qui viendra me traiter en tigresse, le fouet comme une caresse sur la musique. Qui me voudra Voilà, voilà. So it was Nicole Croisi with Qui me dira? Who's going to tell me? I can if I know about it. But I'm not telling either. And yeah, it was Itinéraire d'un enfant gâté, a movie with Jean-Paul Belmondo in the late 80s. And it was kind of a little bit, I mean, it was getting older, so it was kind of a little bit the beginning of the end for Jean-Paul Belmondo in doing, because all during the 80s, he's been doing a lot of like action movies where he was a cop, or he was like a thug or a thief or a spy, for example, like we talked about, like in The Professionnel. And so, I mean, Itinéraire d'un enfant gâté, the story is quite different because the guy fake is deaf to be able to free himself. And he's meeting someone else and explaining, you know, his philosophies and things like that. But that was, and after that, all the 90s, he did more theater because he stayed a long time doing Cyrano de Bergerac. Yeah. And I remember that period in the early 90s where, you know, I mean, we would see him doing interviews and stuff about it. So, but yeah, and then in 98, he redid a famous stunt with a helicopter and the ladder. Yeah. You know, from a rope ladder. One from a car, and there's the one that he mentioned that his favorite stunt, because that's really exceptional. I mean, for an actor to do all those stunts in the 70s and 80s, he was a golden boy. I mean, you would have him in your movie, it was going to be a blockbuster. Like, it just was going to be just super successful. And it was quite a change based on the fact that he was, even though he was an icon of the new wave in the 60s, in the 70s and 80s, when he made all these popular movies where he was like action-packed and, you know, there was some humor in it and things like that, he was kind of being snubbed, you know, by the elite in Paris. So. Yeah. But yeah. But the one you were talking about, like when you moved from what was it, landing on an airplane? Yeah, he did that one, and he was kind of hanging on the rope, right? So he probably had harnesses or some kind of safety like device there. But like in the movie, he was just like hanging on to a rope on the top of a glider type of plane. Yeah. Oh my goodness. That one, he said it was like the most fun time he's had. He's like, I would redo that one. But he had to train real hard. Yeah. And he was lucky enough that he always was in a good physical condition because he was a boxer. Yeah, he was in good shape. Before he started acting and going to, you know, what is it in Paris? He went to the Conservatoire. Yeah, I don't remember which one he went. But he really worked out a lot to be able to, you know, hang off a helicopter and when it turns and, you know, you gotta really be there. And and so pretty amazing, really amazing person, amazing character, and a very kind man from what I've heard from the people who knew him personally. Very nice a nice person, so and what I read today is that the only stunt he broke really something was the stunt where he was on the top of the metro in the subway. Broke his arm. Yep, that's right, he broke his arm, and then he did the scene in the cast. Yep, after that. He broke his wrist, his collarbones a few times, and his arm was going under a tunnel, I think, and there was a piece of metal and that was scraping. Because he was on the top of the metro, like on the roof, and every time the metro was getting into the station, he had to jump down. Duck, like being on his belly. Because flattened. And that was a good one. Yeah. I think it was Peur sur la ville. Mm-hmm. Like Fear on the City. It was one of the rare movies about serial killers, like in the beginning. Mm-hmm. You know, that was also very action packed and stuff. But he was trying to catch a serial killer, and that was That was good. Oh, it's really sad. I mean, you know, it's always like with those icons, it really is the end of a generation. Mm-hmm. And I think that's why he's going to receive like honors for the funeral and, you know, be like actually buried at the Invalides, which is I think it is. So it's going to be really a big funeral. It's a pretty big church. To represent, yeah. I mean, the church in the Invalides is pretty big. Yes. And end of a generation. I think the last one of this generation would be Alain Delon. Really, well, would be the last giant. As far as from like, the 60s for such a like long career. Yeah, true. Not many of them left, but since his stroke in 2001, he passed at 88, and after that he was just. He just slowed down a lot. He was hanging in Cannes and you know, spending some time there as well as in Paris. And he brought a lot. So yeah, he did. All right, so let's listen to another song from Itinéraire d'un enfant gâté, and then we'll come back with. We'll talk about after that, like, we'll put some punchlines, and I'll try to translate them as we go. Yeah. On you. All right. Ah! qui l'ont cherché. L'itinéraire d'un enfant gâté. Les cons, tout va bien. Si vous faites les cons, tout va mal. Marchandise. So, I'm gonna try to comment and explain a little bit what's happening. And this punchline from Bebel is, if you're doing something stupid, if you're not doing anything stupid, everything will be fine. But if you don't, everything will be bad. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. So he said, if you don't like the city, if you don't like the mountains, if you don't like the beach, go to hell. Monsieur Hinault. Si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Here it's in a movie Un singe en hiver, a monkey in the winter, and he's playing an alcoholic with Jean Gabin. And he said, like, to someone, Monsieur Hinault, that if stupidity was not reimbursed by social security, you will be broke. Et son mari n'a rien dit? Oh, tu sais. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. In this one, the lady is asking him if the husband didn't say anything, and because he was also very known to be very, very charming. I mean, we talk about his athletic side, but he was very charming, and so he often had roles where he was like involved with woman he should not be. And so that's why she's asking if the husband didn't say anything, and say, you know, when someone of 120 kilos is talking, the ones who are weighing 60 kilos are listening. All right. J'ai prêté 100 000 francs. Ah. J'ai couché avec ma femme. Oui, c'est exact. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Il se passe que je vous emmerde, monsieur. Vous, votre affreux boudin de femme et votre sale chat. Oh! Vous allez. So in this case, you know, someone is asking what's going on, and he say, like, you know, what's going on is that, like, you can, I screw you and you and your ugly wife and your ugly dog. And that's when you hear the wife really saying, oh, because she's appalled by the fact that he finds the dog ugly. Elle a laissé tranquille et partir très vite. C'est compris? Dis donc, comment on dit petit con dans sa langue? Quoi? So here you can hear someone is threatening him to say, like, you know, you better leave now. And Belmondo is saying, how do you say jerk in his language? And then what became famous is, like, Belmondo, there was some fist fights. But more often than not, he was slapping people in the face so hard that they were, like, you know, falling down and stuff. And so that was in between the, you know, the action and the comic deal. So, and yeah, and we're going to stop there because, I mean, it keeps going a little bit, but it's, yeah, it's, so it's part, it was a tribute in French called Ces répliques cultes. So you can find it on YouTube. On YouTube, yeah. Good. All right, yeah. Should we listen to more music? Yeah, we can. So now we're back on a series of songs about la rentrée des classes, or school, back to school. So the first song is J'aime bien l'école. I like school. Liars. And it's from the École Privée Notre-Dame de Saint-Roch. Then we're going to listen to Les Mignons with La Chanson des Profs, The Song of the Teachers. Mm-hmm. And Les Mignons are, I don't remember the name in English. They're the Minions, I think. The Minions, yeah. The Minions with their little goggles. Yeah, very, yeah, from know, Despicable, round, yellow, Despicable Me. And yeah. The Minions. Yeah, they made a song out of it. And then we're going to listen to Carlos avec La Cantine. La Cantine, which is the lunch, you know, like the lunch room. Yeah. Where people get meals served. Mm-hmm. So, all right, on y va. Je rentre en maternelle et je quitte mes parents. Mais je pleure de plus belle, je n'ai même pas 3 ans. Moi j'aime bien l'école, apprendre et m'amuser. Fini les heures de colle et vivre la rue. L'âge de raison maintenant, lire, écrire et compter. Je suis devenu grand. Moi j'aime bien l'école, apprendre et m'amuser. Fini les heures de colle et vivre la vie. Addition, division, quel choix, j'en perds la tête. Les multiplications, ce n'est pas toujours la fête. La vraie bonne cuisine, le soir à la maison. Moi j'aime bien l'école, apprendre et m'amuser. Fini les heures de colle et vivre la vie. Avec le prof de sport, ce n'est pas vraiment facile. Je vise la médaille d'or, je dois taper dans le mille. Ascend to the Temposphere with Luke Andrews, Saturdays, 7 to 9 p.m. on KFAI. COVID-19 vaccines are safe, effective, free, and approved for everyone over the age of 12. Get your free COVID-19 vaccine and receive a $50 gift card at clinics operated by Ramsey County while supplies last. You will get the gift card at the clinic, and no forms or paperwork are required. To learn more about Ramsey County-operated clinics, visit ramseycounty.us/COVID-vaccine or call 651-266-1198. Je vais vous demander de vous asseoir dans le silence. Et on va commencer à bosser. On n'est plus là pour rigoler, mais pour apprendre. Allez hop. KFAI is supported by the French American Heritage Foundation of Minnesota, whose mission is to promote and cultivate the heritage of French language cultures. Learn about the many French American Heritage Foundation events and celebrations at fahfminn.org or on Facebook. Merci beaucoup. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a écouté? What did we listen to, Freddy? The first song we listened to was J'aime bien l'école. I really like school. That's a lie, you said. Did I say that? School. Especially today. I mean, for some school districts, it's a day. Right? It's the start. It depends on the district. My kids are in charter schools. So they already started last week. Last week. And because Eric was sick, he had a cold, but they were some of the same symptoms as COVID. So they wouldn't take him back unless he had a negative test, which he took. And the next day he had the result. Mm-hmm. So, and plus he was not really feeling good either. So it was not a bad thing for him to stay home. Yeah. But he really started on Wednesday. And and I've heard that St. Louis Park is going to start tomorrow because today was Rosh Hashanah. So Jewish New Year. Rosh Hashanah, yes. So Happy New Year for all our Jewish friends and others and families and stuff. And after that, so it was from the École Privée Notre-Dame Saint-Roch, which is a school in the first arrondissement. And they just recorded them and made an album and, finance some of their activities like that. So that was pretty nice. Then after that, it was the Minions, or Les Mignons, avec La Chanson des Profs, the song of the teachers. Yes, that's important. Yeah. And then it was Carlos avec La Cantine. Remember La Cantine? Yeah. Souvenir? Yeah, good memories. Food flying around and not all the time, not often. But plus, it was never my fault. I was pretty good at it. Did you eat your spinach? I did. Des épinards à la crème? My mom was making spinach and I liked it. So, I like my mom's spinach better than the ones from La Cantine. There we go. But still, I was eating it. I didn't have to be coerced to eat it. All right. Well, we're going to listen to more songs. Yes. What's coming up is these songs are a little bit more serious, so we're going to listen to Trio with a song called Récréation. Okay. And Récréation is Recess. It's from their album Grain de Sable. Then we're going to listen to Chila with Premier Jour d'École. And I think the name of the album is Mune, but I'm not sure. It's M-U-N, but there's a squiggly stuff on the top of the U. And Grand Corps Malade. Ah oui. With a song called Éducation Nationale. So in France, Éducation Nationale, or the National Education, is the part Department of, yeah, of Education. Right. It's the is the government body that takes care of schools, public schools, and schools in general. So it's pretty big. It's pretty monolithic. It's one of the biggest budget, I think, in France after... Maybe after the defense budget, but yeah. If it's not the first, it's the second. It's really, really big. And yeah, and that's what we're going to listen to. So, okay. On y va. On y va. De l'impunité, on va faire des bons élèves. Les enseignants seront armés, les classes en béton armées. Quant à la cour de récré conçue en fil barbelé. Eh ouais, enfin une nouvelle éducation. Travail, famille, patrie, et éduquons la nation. Vos gosses sont des junkies, qu'on les jette en prison. Ce sont de malpolis, qu'ont des parents indécis. Eh ouais, on prend des décisions. Les gens d'en bas sont mauvais en termes d'éducation. Puisqu'ils gèrent mal leur mouflet, puisqu'ils tiennent mal leur maison. On va leur sucrer les allocations. Allez, fusillons les droits de l'enfance. On avait trop avancé dans notre si jolie France. Enfermons les nouveau-nés avant qu'ils se mettent à pleurer. Le calme, c'est la santé, faut pas se laisser emmerder. Allez, fusillons les droits de l'enfance. Beaucoup de nos voisins en ont fait l'expérience. La prison fait du bien, ça remet dans le bon sens. Tu deviendras un adulte sans passer l'adolescence. Allez, fusillons les droits de l'enfance. Augmentons le temps de travail, diminuons les vacances. On va leur péter 20 chaînes de télévision. Ça va leur zapper leur envie de rébellion. Allez, fusillons les droits de l'enfance. Augmentons le temps de travail, diminuons les vacances. Faut que les parents bossent, faut que les parents bossent. Pendant que la police s'occupe de leurs gosses. Allez, fusillons notre jeunesse. Fini les feignants remplis d'allégresse. Fini les rêves parties, tout le monde de fitness. Le sport c'est la santé, les jeunes font que se droguer. Allez, sortons le gouvernement. Impunité zéro pour notre président. Prison pour les ministres qui se sont augmentés. Pendant que la moitié du peuple se bat pour bouffer. Allez, sortons le gouvernement. Impunité zéro pour notre président. Il est sûrement plus coupable que la misère des enfants qu'il veut enfermer en bon dirigeant. Allez, sortons le gouvernement. Il faut avancer, on est intelligent. On va user les pavés. Usez les pavés, usez les pavés, et ils vont reculer. Usez les pavés, usez les pavés, usez les pavés, et ils vont reculer. Usez les pavés, usez les pavés, usez les pavés, et ils vont reculer. Usez les pavés, ils vont reculer. Coup de pression comme un premier jour d'école. J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Comment grandir si je ne comprends pas l'école? J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Il me répète, faut grandir, trouver travail, fonder famille, penser à venir. Mauvais bulletin, on m'a dit l'amour avant l'argent. Mais j'ai besoin d'argent depuis qu'amour est à vendre. Pendant ce temps, maman cherche les billets. Papa dans nos prières. Mauvais élève, je suis dissipé. Le frère lui veut briller. Maman cherche les billets. Papa dans nos prières. On m'a pas appris à gérer les drames de la vie, donc je suis partie en vrille, ouais. Coup de pression comme un premier jour d'école. J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Comment grandir si je ne comprends pas l'école? J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Coup de pression comme un premier jour d'école. J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Comment grandir si je ne comprends pas l'école? J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Pas facile d'être un enfant, mais c'est encore pire d'être un enfant qui devient grand. Mauvais parents, on me dit faut s'inquiéter pour plus tard. J'ai pas peur de la mort, quand elle viendra je ne serai plus là. Pendant ce temps, maman cherche les billets. Papa dans nos prières. Mauvais élève, je suis dissipé. Le frère lui veut briller. Maman cherche les billets. Papa dans nos prières. On m'a pas appris à gérer les drames de la vie, donc je suis partie en vrille, ouais. Coup de pression comme un premier jour d'école. J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Comment grandir si je ne comprends pas l'école? J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Coup de pression comme un premier jour d'école. J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Comment grandir si je ne comprends pas l'école? J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Maman cherche les billets, papa dans nos prières. J'ai 10 ans, je suis en CM2 à Épinay, ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né. Mon école, elle est mignonne, même si les murs sont pas tout neufs. Dans chaque salle, il y a plein de bruit, moi dans ma classe, on est 29. Il n'y a pas beaucoup d'élèves modèles, puis on est un peu dissipés. Je crois que nous sommes ce qu'on appelle des élèves en difficulté. Moi en maths, je suis pas terrible, mais c'est pas pire qu'en dictée. Ce que je préfère, c'est 16 heures, je retrouve les grands dans mon quartier. Pourtant ma maîtresse, je l'aime bien, elle peut être dure, mais elle est patiente. Et si jamais je comprends rien, elle me réexplique, elle est pas chiante. Elle a toujours plein d'idées et plein de projets pour les sorties. Mais on a que 2 quarts par an qui sont prêtés par la mairie. Je crois que mon école, elle est pauvre, on n'a pas de salle informatique. On a que la cour et le préau pour faire de la gymnastique. À la télé, j'ai vu que des classes faisaient du golf en EPS. Nous, on a que des tapis, des cerceaux et la détresse de nos maîtresses. Alors si tous jouent à l'école, il est temps d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à 2 vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Ne laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires. L'enseignement en France va mal, personne ne peut nier la vérité. Les zones d'éducation prioritaires ne sont pas des priorités. Les classes sont surchargées, pas comme la paye des profs minés. Et on supprime des effectifs dans des écoles déjà en apnée. Au contraire, faut rajouter des profs et d'autres métiers qui prennent la relève. Dans les quartiers les plus en galère, créer des classes de 15 élèves. Ajouter des postes d'assistants ou d'auxiliaires qui aident au devoir, qui connaissent les parents et accompagnent les enfants les plus en retard. L'enseignement en France va mal, l'État ne met pas assez d'argent. Quelques réformes à deux balles pour ne pas voir le plus urgent. Un établissement scolaire sans vrais moyens est impuissant. Comment peut-on faire des économies sur l'avenir de nos enfants? L'enseignement en France va mal car il rend pas les gens égaux. Les plus fragiles tirent l'alarme mais on étouffe leur écho. L'école publique va mal car elle a la tête sous l'eau. Il n'y a pas d'éducation nationale, il n'y a que des moyens de survie locaux. Alors continuons de dire aux petits frères que l'école est la solution. Mais donnons-leur les bons outils pour leur avenir, car attention, la réussite scolaire dans certaines zones pourrait rester un mystère. Et l'égalité des chances, un concept de ministère. Alors si tous jouent à l'école, il est temps d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à deux vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires. Je m'appelle Moussa, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à Épinay, ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né. C'est pas de ma faute à moi si j'ai moins de chance d'avoir le bac. C'est simplement parce que je vis là que mon avenir est un cul-de-sac. Drop the mic. We just listened to three songs on our theme of back to school. The first song was Trio, Récréation, meaning recess, from their album Grain de Sable in 2003. Then we listened to Sheila, that was a little bit more hip-hop, with her song First Day of School, Premier Jour de Classe, released in 2019. Yeah, that's pretty recent. It's, just 2 years ago. Yeah, Romain said that his daughter really likes her. Yeah, I bet Chloe loves that. It was really good, really a lot of good, like, good energy and rhythm. And then last but not least, we listened to famous slam singer of France, Grand Corps Malade, with Éducation Nationale, Department of Education, that was released in 2010. It was a commentary on disparities experienced in France for kids in the school system in Paris suburbs. So it was good. What did you think, Freddie? I think it was good. Yeah, I like Grand Corps Malade. At first, I was not a big fan of him, but yeah, I mean, what he's singing is always very relevant. So, good content. Yeah, he's really been, like, very talented and still around, so... Yeah. That's really cool. Well, maybe we'll do a little announcement. Yeah, the 9 o'clock announcement. 9 o'clock announcement. It's actually 8:57 here in Minneapolis and St. Paul. Mm-hmm. And you are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis and St. Paul, and streaming at kfai.org. The program you are listening to is Bonjour Minnesota on KFAI Radio Without Boundaries. And you can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com, or we're also live on Facebook. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis-Saint-Paul, et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez, Bonjour Minnesota, vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Voilà, voilà. This is Freddy and Adrien tonight. Yeah. Bonjour Minnesota. Like every week. Voilà, every Tuesday. And the shows are all recorded, so if you miss us on a Tuesday night, just go back the next morning, and it's on the website, kfai.org. So just look for Bonjour Minnesota in the programs or on the schedule, and you will see the previous two shows, but now on the sides, they also put the other ones. All right, so what are we going to listen to, Adrien? We're going to listen to three songs. We have two songs coming up from Damien Saez. The first one is Le Bal des Lycées, The second is Les Cours des Lycées. And the third song we'll listen to is from Les Rigots, Passe ton bac d'abord. And if you want a chorus, wait for the music, it's coming up. Play some those tracks and then we'll be back. Vivons-nous que la jeunesse c'est la vertu, l'amour s'en rendre fou. On en a qu'un, je l'ai perdu au fond du sablier du temps. T'es pas venu, j'ai trop bu et mon cœur s'est trop battu. Ramène-moi qu'il est loin le temps des amours, le temps des cœurs qui se serrent, ou des filles que l'on serre fort contre soi, au croissant au lever du jour, quand s'aimait à la marelle, les camarades pour toujours. Quand et quand tu reviendras, on se quittera tous un beau jour. On reviendra sur nos discours. On croira qu'on a tout compris. On n'aura rien compris du tout. On sera riche, roi de province. On sera pauvre et sans le sou. Puisqu'avec les copains d'avant, on sera tous morts au bout. On se dira jamais vieillir, puis on finira tous vieux cons à regretter ce qu'on a perdu, celle qu'on aimait qui est pas venue. Quand on avait les dieux au corps, quand on savait tromper la mort, quand on lui mettait le doigt bien haut ou bien profond. Au temps des balles des lycées, au temps des rêves des amitiés, au temps où on s'aimait qu'importe, au temps des lettres sous la porte, au temps des filles dans les bagnoles, au temps des murs et des alcools, autant des rasoirs aux poignets, autant des jeux de nos amours, autant où c'est beau et c'est tout, autant du feu brûlant toujours, autant où chaque fille est un porc, autant des dieux, des diables au corps, autant où l'on n'a peur de rien, autant où rien n'est impossible, autant où l'on aime ses copains, à coups de lance-pierre sur les chemins. Les avions qui passent au-dessus de nous, les visages qu'on a croisés, qu'on a perdus, les gens qu'on a aimés, qu'on n'aime plus, les yeux qui sèchent, le temps qui passe, les amis qu'on a laissés derrière, la vie qui part de ses mystères, les évidences qui vous lacèrent et puis qui tuent, et la beauté des filles quand elles sont nues, les liens du sang qui nous tiennent le cœur, les croix qu'on porte et la chaleur. Mes frères tenant l'espoir, à bout de bras mes jours de gloire, les parfums qu'on reconnaît plus, les filles qu'on n'a jamais revues, les jours de fête et les bals des lycées, celles à qui on n'a jamais. que j'aime, qui sait toujours face à la mort, nous reviennent à la mémoire, celle avec qui on a dansé, les jours de fête, les bals des lycées. Il ne parle pas assez vieux. Il prend le bus, le MP3. Il y a du métal dans les oreilles. Il voit les vies de tous ces gens qui sont en droit aux abattoirs. C'est inutile qui nous surprend. Parfois qu'on verrait l'espoir. Les pom-pom girls ont les regards des soleils noirs, elles ont l'odeur des cheeseburgers prêtes à bouffer. Elles ont l'odeur de la CB, les salles de classe qui se répètent, des profs qui ont tous l'air défoncés. Matrix sur des tableaux, trop d'inconnus dans l'équation. Dans le bus, le tramway, dans les cours des lycées, dans les fabriques à chômage, ouais, dans les salles des professeurs. On est foutus, on est cernés. Passer l'éponge ou la jeter, prendre les gants à les boxer. Dans les manifs, dans les cocktails, dans les soirées sous le soleil, faut voir les niveaux des musiques et les modèles de société. Faut voir les radios qu'on écoute, de quoi on parle dans les récrés. Faut voir les strings en apparence dans les collèges, la jeunesse. Plus c'est vulgaire et plus ça fait mouiller le corps de nos armées. C'est du Gucci, c'est du Gucciat, c'est le syndrome de nos époques. C'est du Chanel, c'est du Dolce, tu fais la belle et ça te plaît. C'est du consommable toujours. Dis-moi c'est quand qu'on fait l'amour à d'autres que des gilets pare-balles, que des vérités qui font mal. Dans le bus, les tramways, dans les cours des lycées, dans les fabriques à chômage, ouais, dans les salles des professeurs. On est foutus, on est cernés. Dans les couloirs, dans les allées, dans les manifs, dans les cocktails, dans les soirées sous le soleil. Dans les soirées sous le soleil. C'est au pays des teenagers, c'est du Gucci, c'est du Gucci. Pas la rock qui parle du cœur. C'est quand la mode à nos époques qui coule à flot dans les familles. L'éducation de nos enfants, dans le commerce, les textiles. Il faudra gagner de l'argent. Soleil noir, elles ont l'odeur des cheeseburgers prêts à bouffer. Elles ont l'odeur de la CB. Se faire un autre pour oublier la vie de merde qu'on a laissée. Dans les manifs, dans les cocktails, ouais, dans les cours des lycées. Sous le soleil. Dans les manifs, dans les cocktails, dans les soirées. Sous le soleil. Ils me l'ont dit très fort, J'avais envie de faire de la musique avec mes copains, on se marrait. Ils m'ont prévenu si tu le loupes. Loupé. Ils m'ont dit, repasse ton bac encore. Ils me l'ont dit plus fort. J'étais carrément démotivé, tous mes copains étaient barrés. Ils m'ont prévenu si tu le rates. Ils m'ont dit, repasse ton bac ou dehors. Ils me l'ont dit tellement fort. J'ai bossé comme un gros taré, le jour venu j'ai paniqué. Ils m'ont prévenu si tu le foires. Foiré, foiré, foiré, foiré. Ils m'ont dit, repasse ton bac ou c'est mort. Ils me l'ont dit trop fort. Ça m'a fait télé de ta voix, j'entends derrière en cours tout le temps. Ils m'ont prévenu si tu te trompes. Je me suis trompé. En tous les cas, je vois que ça a l'air de t'amuser. Non, si, si, ça t'amuse. Ça t'amuse, mais t'as raison, c'est drôle. C'est très drôle. Si hilarant, regarde-la moi-même, je suis mais mort de rire. Ah ah, ça fait 4 fois que tu passes ton bac, Alexandre. Ta mère et moi, on n'en peut plus. Passe ton bac, baccalauréat. Passe ton bac, baccalauréat. Pour ta maman et ton papa, passe ton baccalauréat. Aujourd'hui j'ai 30 ans de plus, le bac ça n'existe plus et mes parents non plus n'existe plus. C'était un jour de résultat comme d'habitude, je l'avais pas, je sais pas pourquoi je l'avais pas, mais c'est comme ça je l'avais pas. Ils ont pété un volant, gueulé comme des sauvages, sortis du balcon. On habitait au 7ème étage, je les ai retrouvés éclatés sur le bitume, mort dégueulasse. Ok les gars, je t'ai résumé. Ouais, vas-y. Je résume. Le fait est que j'ai tout fait pour oublier cette histoire. J'ai jamais eu mon bac, c'était un vrai cauchemar. Mais le problème aujourd'hui, c'est avec mon fils aîné. Ça fait 10 ans qu'il essaye d'avoir son VEPC. Je lui dis, passe ton BEPC. Passe ton BEPC. Allez, passe ton BEPC. Pour ta BEPC, ton bébé qui ont sauté. Passe ton BEPC. Et voilà, nous sommes de retour. Exactement. Ici et là sur KFAI, in Minneapolis, Saint Paul. So what did we listen to? So we listened to a series of 3 songs. 2 of them were from Damien Saez, which I kind of grew up when I was a teenager listening to Jeune et Con from Damien Saez and other famous songs, and I love to hear his voice. He hasn't changed. He's a beast. Very intense. Very, very intense. Let me pause the music here. It'd be a lot better. so we listened to the first one was Le Bal des Lycées, the high school's ball. And then the second song from, so that one was from 2012. The one from 2010 was Les Cours des Lycées, high school's courtyards. Like, yeah, yards, like, yeah. Or classes, I'm not sure, Les Cours, it could be also classes, from his album J'accuse. And then we listened to an awesome song from Les Wriggles, Passe ton bac d'abord. Yeah. It was a live version of 2009. Yeah, it means like get your back. The back is BAC, it's the baccalauréat, and it's the exam, the equivalent of the high school degree. Except that it's a test. And I was explaining that to my son, because my son is a senior this year. Oh, yeah. And explaining that there was no credit whatsoever. You can do very well during the year. If you flunk the test, you're good for coming back the next year. Yes, that's right. I think they just changed that exceptionally for COVID, right, last year. Really? Wow. Because they couldn't have I don't know how many thousands high schoolers, seniors they are in France, and they're supposed to take the test all at once. Just like, yeah, it's a national high school diploma. So All at the same day, they coordinate and they open the envelopes, and every high schooler has the same, you know, essay to write about a certain topic. And they could not be, due to COVID, obviously, they could not have like those thousands of kids all together in the same rooms and stuff. So they decided last year to just pass some I think they passed pretty much everyone, but but just without having to take it. So they're the lucky ones. I think it's one of the first time in the story of the Éducation nationale. Well, yeah, it is. Voilà. Well, we listened to three cool songs. Great selection. We're going to keep on going on our back to school playlist. And we have three more Your Way. We have one of Philippe Clay, Mes Universités. Another one with Les Enfants Fantastiques, On est tous pareils. And finally, we'll listen to Fali Ipupa. Mm-hmm. If I pronounce that right, with a School from 2018, so a rather recent song. And without further ado, we'll just go. Et voilà. Mes universités, c'était pas Jussieu, c'était pas Sancier, c'était pas Nanterre. Mes universités, c'était le pavé de Paris, le pavé de la guerre. On parlait peu de marxisme, encore moins de maoïsme. Le seul système, c'était le système des comme des brouille-toi, des comme des merde-toi, pour trouver de quoi bouffer et te réchauffer. Mais université, c'était pas la peine d'être bachelier pour pouvoir y entrer. Mais université, t'avais pas de diplôme, mais t'étais un homme quand tu en sortais. Nous, quand on contestait, c'était contre les casquets qui défilaient sur nos Champs-Élysées. Quand on écoutait l'ombre dans nos planques sur les ondes, c'était pas les Beatles qui nous parlaient. Mais université, c'était pas Jussieu, c'était pas Sancier, c'était pas Nanterre. Mais université, c'était le pavé de Paris, le pavé de la guerre. Pourtant on tenait le coup, bien des fois entre nous, on rigolait comme avant ou après. Mais quand ça tournait mal, fallait garder le moral, car il n'y avait pas de cam pour oublier. Mais université, c'était mes 20 ans, pas toujours marrant, mais c'était le bon temps. Mes universités, si j'en ai pavé, je me ferais pas prier pour y retourner. Bien sûr le monde a changé, tout ça c'est du passé, mais ce passé, faut pas vous étonner. Il est tellement présent qu'on ne comprend plus maintenant ce qui ne tourne pas rond dans vos universités. On est tous pareils, deux yeux deux. professeur. École. Président des démoniato, Yven Jolie, les boucliers, Malou des bosquets, Picho Bongo, Soparon, Moukoka. Sabe Gobi le Valois. Allez, c'est qui ici? C'est le maman. Allez, c'est le Junior Mapousse. Spécial à Bamako et sa dame. Le quoi de Gabriel, y'a moins d'ensemble. Gauthier et Wing. Le quoi, Kresaka, Kong. Sandra Kazad. Foula Fouda, Touki de Bain, Nikoumi Sabatoué. Blaise Mafouton. Mama Widi Salama, Nikoumi Sand, Dadama Yingi. Olivier Kamazi, Amadou Djabi, Aristide Aïkou, Apotonou. Ross. Tendons la main. Madame Caroline Mbouchingue, la dame au grand cœur, la beauté et la classe. Le sénateur Sylvestre Mbouchingue, le PDG au Cameroun. Piston Balabase, Papi Tchomikare. Maître Manix et Kevin Kamuzuna Guindie. Junior Mukuna, Maître Toro, champion SN à Cape Town. Seed Boy, Manda Kamalion, le second Yafsan. Cédric Niakovic, DJ Merco, Master Virus. Yagaswa Vinoko Yandina, Kayakaswa. Christian Kinoa. Boogie Black. Mama to get the brain, you go miss it. Mama Siki Yolo. Kams Garçon Bio. Chico Sebayaka, Emilim Poutou, Grand Pay. Joseli Mapuata, Mister Pitach. Le coin de Gabri, you want something. Camionnette Mbola. Le coin de Barouan, you see the baye. Descendant. Poula Poula to get the brain, you go miss about where. Rajungo Maese Ferno, Lisa. Oh non, c'est Limbabé qui nobel de la SAP. Balaba. Le valable pastoral, trésor Mukuna, pasteur de Niles. Je suis Achour. Voilà, nous sommes de retour on Bonjour Minnesota. We are back on KFAI. With Adrian and Freddie. Voilà, we just listened to a few songs. Back to school, we just listened to Fally Ipupa from Congo, Kinshasa, with his song École. He received an MTV Africa Music Awards for Best Francophone Song. He's kind of the African connection. He's talking about the city of Lyon, of Paris in France, and it was a really cool vibe. So I enjoyed it a lot, and then I hope you did as well. And then we listened to two more songs with Les Enfants Fantastiques, On est tous pareils, from their album I Have a Dream, and then We're All the Same. Voilà, On est tous pareils, meaning we are all the same when we go to school, I suppose. But they're Enfants Fantastiques, so they're kind of fantastic children. They're like superheroes. Yeah. And then the first song we listened to was Philippe Clay, Mes Universités. And that song is a little bit older, but it's from the 60s, 70s. And he's singing about his universities or his college and saying that he didn't go to college, actually, because he's older. So his college was the street of Paris, and they had to kind of get by, you know, with whatever they had. It was the pavement and just after the war. So they didn't talk about like great philosophy and political movements and things like that. So, I mean, the song is kind of like giving a punch or making fun of the students from the universities from the 60s or 70s, you know, right, where they were like highly politicized, yeah, and were talking about communism or things like for hours and days and nights and whatever, where he was very down to earth, where he had no choice. Yeah. I might have heard that before, like... We don't need no education. Yeah, that could be. Very cool. All right. Well, we'll listen to a few more songs. It's 9:32, and we'll listen to a group Image with Maîtresse. Then we'll listen to Dionysos, L'École de Joe, et Suprême NTM, a classic rap band from France with from Marseille with no Nouvelle NTM, École. So, oh, pardon. Don't say that. I was gonna say, so we're you can't see Fred tonight, but he's got his PSG hat and his PSG jersey. So actually, NTM is also from the 93, which is where Mbappé is from. Voilà, le 93, mm-hmm. Saint-Saint-Denis. Donc, we'll go and. Voilà. On y va. Je lui exploserai bien mon cœur sur le nez qu'il a si long que je ne pourrai pas le rater, le plaisir que j'aurai de le traiter de tous les noms d'oiseaux que j'ai inventés exprès pour toi, Joe. Tu te souviens ce jour où tu t'es approché un peu trop près et puis que tu m'as soufflé le mot de trop. Alors c'est moi qui ai collé ta gueule contre mon cœur et ton nez droit s'est crevé contre l'aiguille des heures. J'ai collé ta gueule contre mon cœur et ton nez droit s'est crevé contre l'aiguille des heures. Autant pour toi, Joe. Tu devrais t'estimer heureux que je ne t'ai pas crevé les deux yeux. Maintenant tu me colles comme si tes yeux s'aimantaient à mes aiguilles. Maintenant tu m'assaisonnes de petits cris de caniche bien élevés. Sur la souche à vie, attention à l'impact. Si tu n'es pas compact, on contacte des certains cabus et reste des contracteurs. Car les jeunes MC n'y vont pas demain. Avec pour objectif venir frapper à la boxe. Sans complexe, oh les gants, les ringards à l'annexe. Avec un doigt, on dit plutôt le majeur que l'index. Ils en est dedans, s'inspire de notre talent. Bénéficier de nos erreurs et on se gagne du temps. Évidemment, c'est la règle du jeu. Hey, sachez que je suis fier d'avoir participé à l'évolution de cette faction. Armée de l'élite, c'est placé et c'est pour ma section. À chacun d'entre nous, sous la devoir, verra bien sa mission. Sa mission. Sa mission. À tout le monde de vous dire avant de quitter le rang, tant qu'il en est temps. Quand on vantit le temps, talent tout en respect, dans les règles, dans les protocoles, d'accord. 100% hip-hop au bien. Ah oui, je suis un puriste, un funambule équilibriste. Rêve de voir son art sillonner la bonne piste en poste pour stopper l'imposture comme la peste. Que la nouvelle école prenne ceci comme un manifeste. Pour la nouvelle école. Pour la nouvelle école. Pour la nouvelle école. Pour la nouvelle école. Ne change pas de route ou bien tu voyageras dans la soupe. Cela ne fait pas de doute. Tu vas bouffer les mains au-dessus. Flippe ta mère, des remèdes si les phases sont enfermées énormément de pistes de mon mère. J'espère me faire comprendre. Pas de mépris sur l'analyse, mais si tu peux te détendre. Si en plus du flow, le bon aimant est au niveau, même en solo. Bravo, c'est chaud, vas-y, chez en les kilos. Oh, pas de blague, pas de gaffe, pas de gag. Oh, repère bien l'endroit où tu gagues. Je vous rappelle que le parcours plus difficile n'est que l'écart qui nous sépare du tout d'écart. N'est pas du au hasard, mais au travail. De vrai combat, ceux qui depuis un bail tiennent le gouvernail, méritent une médaille. Sur ce bye bye, bonne chance et bon vol. Sign enough, check one pour la nouvelle école. Sign enough, check one pour la nouvelle école. Pour la nouvelle école. Wow. Suprême NTM, mesdames et messieurs. Yes. Voilà. So, Yon, bonjour Minnesota. This is Back to School. You're listening to the two best students in the world, Freddy and Adrien. Because Romain is skipping tonight, yeah. Skipping class. According to whom? And if I need to find people to vouch for me, he might be hard. I ate all my spinach. Me too. So Supreme NTM representing the new school, La Nouvelle École. And which then, is not that new anymore because it was in the beginning of the 90s. Shoot. Yeah, I think the title of the song doesn't wanna show the date because I might age us too much. Yeah. And then we listen to Dionysos avec L'École de Joe. From his album Jack et la Machine du Coeur, 2013. Dionysos would really pretty cool, like also like kind of similar to what we listened earlier tonight, Damien Saez, you know, like true to himself, kind yeah. of similar voice. I mean, those guys, like, you know, they go on tour and stuff and they're like good vocals there. Good guitars. Good guitar, yeah. Yeah. Good rock, like kind of a pop rock. Yeah. And then like Bébé Brune too. Right, yeah, and Bébé Brune. Same spirit. I love Bébé Brune, yeah. And yeah, we'll see what happens to Bébé Brune in the next like decade or so, just like Dionysos, because when he came out with, like, what was it, the Jedi, the song about... Yeah, yeah, that was a cool song when he came out with it, and I was still in France, so that's been like a while. Yeah, but over a decade ago. He had other albums after that. Yeah. And then the first song we listened on this set tonight was from the band Image with the song Maîtresse, which is school teacher, the female school teacher. Yeah. Voilà. So because in elementary. French, you know, you have, yeah, it's the she of the teacher. Yeah. And elementary, and that's a really cute song, and it was, I mean, it was nice. It's the melody is very, very famous. So. Very 80s. Yes, very 80s melody. So this is 9:46 on Bonjour Minnesota on KFAI. Yeah. Radio Without Boundaries, and we are here to listen to some music tonight. So we have a few more coming your way. We'll listen to Bernard Lavillier with Stand the Ghetto. It's a live version yep. from 2018, so very recent. And then another song from Grand Corps Malade, the slam French singer, with Nos Plus Belles Années. With Kimber Rose. Yes, feat Kimber Rose. And then we'll listen to Oshi with Je Te Pardonne. I forgive you. And before we start the music, I also wanted to mention that, I mean, we mentioned in the past that the band called La Femme was going to come to the Twin Cities in June of 2022, but more and more bands are announcing their venues. And so Caravan Palace, who's doing electro swing, is going to be in the Twin Cities next year. And French 79, if you like electronic music, like Kate Francescoli or Sébastien Tellier, it's in the verve of that. So looking forward to that. Thanks for reminding us or actually telling us for the first time. But that sounds really exciting that finally Minneapolis becomes a little bit of a magnet again for those for the super cool French band or francophone. Since this is a show to highlight the diversity of French speaking cultures through songs and art. Exactly. Okay, now for Bernard Lavilliers Stand the Ghetto live version 2018. Let's go. On y va. Je suis arrivé à Kingston en 79. J'avais la voix cassée comme ce soir. Fallait pas casser, hein. Et un petit charme. Une sorte de charme, monsieur. Mais c'est pas très grave. Ça fait partie du blues. Si ça se passait toujours. Vous savez, un concert, il faut toujours qu'il y ait des accidents. Sinon, on s'emmerde, hein. Ça me fait lutter. Donc, il y avait le JLP. Parti pro. Américain et le PNP, Parti National Populaire, au Cuba évidemment. Il y a même deux ghettos en concurrence, Frenchtown et Tivoli Garden. Les hélicoptères de la police militaire volaient très bas la nuit. Un blanc en voiture, par exemple, il y en a deux qui sont autour de moi. Avec les fusils mitrailleurs sur le côté de la porte ouverte. Watch to the whip. Rien, monseigneur. Je pouvais me faire flinguer comme... Eh ben non. En attendant, tous ceux qui disaient des conneries se trouvaient dans la prison centrale. Gun Corps. La cour des guns. Et là arrivaient les basses du fameux reggae jamaïcain pour relever un peu le moral des mecs qui étaient à 60 degrés. Écoutez les basses de Dan Romeo. Vous n'y étiez pas, mais c'est comme si vous y étiez là tout de suite. En tôle, hein. This is Freddy Letitideal. Welcome to French and Francis radio show Therapy on KFAI.org. I am originally from Paris and now living in Minnesota. I wanted to play songs and bands that were influential in France. The styles will vary, going from electronica to rock. Feel free to send me feedback, frenchandfrancis@gmail.com. Trop d'ombre sur la route, je vois plus les tracés. Et je me rappelle en folie mon panel de prolo. J'ai la mélancolie du bordel en colo. Rire de tous nos sens et des heures à vanner. Insolente innocence de mes plus belles années. D'événements imparfaits, un passé pas si simple, des sourires en trophée. Puis la mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur. Déconfiner l'espoir, pour continuer d'y croire, je t'envoie un faire-part. Le faire-part du mariage entre nostalgie et destin. Quand l'un nourrit l'autre, faire du futur un festin. Je veux retrouver l'attrait de notre vie d'après. Il est temps d'entamer. Oh, où sont passées nos plus belles années? Elles s'éloignent lentement. Où sont passées nos plus belles années? L'avenir, oh, où sont passées nos plus belles années? Elles

We just listened to Bernard Lavillier on Stan the Ghetto, the live version, and then we listened to Grand Corps Malade with Nos Plus Belles Années feat Kembrose and Oshi, Je Te Pardonne. And now, before we part, we'll play one more song. We'll listen to Balkan Jamboree. All right. On y va. Au revoir.